Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse. Et je vous dis à quel point je suis content de vous retrouver en 2025 pour réattaquer l'année à explorer les utopies sans attendre. Si je vous fais ce message, c'est pour vous faire un peu de teaser. On continue cette année avec le podcast 2030 Glorieuse pour une sixième saison, six saisons déjà. En cinq saisons, vous le savez peut-être, on a pu explorer la question des métiers de demain et j'ai donné la parole comme ça à plus d'une centaine de personnes qui font les métiers qui portent les nouvelles croissances des mondes de demain. Des personnes absolument passionnantes qui montrent en plus que cette question de donner du sens à son métier, elle traverse tous les territoires, toutes les générations, toutes les catégories sociales, tous les talents, et que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui se retrouve absolument partout et pour toutes et tous. Depuis 5 ans, à chaque fois, on essaie de se raconter à quoi ressembleraient les 2030 Glorieuses quand ces personnes deviendront absolument normales, comme si on pouvait les croiser à n'importe quel coin de n'importe quelle rue. Et depuis quelques mois, j'ai l'impression que cette porte d'entrée métier, elle m'enferme. Elle n'est pas suffisante pour continuer à explorer les croissances qui nous attendent en 2030 Glorieuses. Surtout, depuis l'été 2024 et l'étape de la dissolution, je sens à quel point les Françaises et les Français que nous sommes ont envie de faire de la politique, de parler de politique, mais à condition de le faire à notre sauce. Et je dirais même plus à condition de le faire à la sauce 2030 glorieuse, c'est-à-dire par les gens, pour les gens, pour que ce soit une politique qui rapproche, une politique qui crée du lien, une politique qui crée de nouvelles valeurs, plutôt que la politique actuelle qui continue à être entretenue par une certaine catégorie de la population qui est déconnectée du reste des Français que nous sommes. C'est pour ça que pour cette sixième et nouvelle saison des 2030 Glorieuses, je décide d'élargir cette question des nouvelles croissances et d'en faire la boussole centrale du podcast 2030 Glorieuses. On va mettre un tout petit peu de côté la question du métier, même si vous allez voir que je vais continuer à donner la parole à des experts, des militants, des entrepreneurs, des personnes passionnées et passionnantes qui creusent cette question des nouvelles croissances. Mais surtout, comme je viens tout juste de le dire, on va s'intéresser principalement à cette question des nouvelles croissances. Moi, j'en suis persuadé. Demain n'est pas foutu. Je dirais même mieux, le futur peut se révéler être autrement plus enthousiasmant que la période actuelle, à condition qu'on se mette enfin à la hauteur des enjeux de notre siècle. Et donc, on a besoin de parler des nouvelles croissances. On a besoin de se dire que demain ne va pas être décroissant, ou si, peut-être décroissant économiquement pour laisser plus de place pour d'autres croissances. Mais nous avons bel et bien besoin de dire tout ce qu'il y a de joyeux, fertile, qui nous attend dans les années à venir pour embarquer plus largement. Et donc, j'ai envie qu'on s'intéresse à ces questions-là. Quelles sont les nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain? Quels indicateurs nous allons utiliser pour mesurer ces croissances? Et quels bénéfices aussi à développer, déployer largement ces nouvelles croissances au sein de la société tout entière? Aussi, nous tenterons de deviner quelles étapes et quelles ruptures ont été nécessaires pour parvenir à ces 2030 glorieuses qu'on décrira à chaque fois avec nos invités. Bref, vous l'aurez compris, le podcast à venir va sans doute être un peu plus politique qu'il l'était déjà, parce que c'est sans doute le bon moment. Nous avons envie de refaire de la politique au quotidien et grâce à la politique, de changer concrètement nos vies. Et pour ce faire, nous avons besoin de concepts, nous avons besoin de mots, nous avons besoin de caps, nous avons besoin d'exemples de rupture. Et c'est tout ce que nous allons chercher dans cette nouvelle saison du podcast 2030 Glorieuse. J'ai hâte de vous révéler qui sera la première invitée. Je vous donne déjà un indice et je diffuserai donc toutes les deux semaines un nouvel épisode pour donner la parole à des personnes qui creusent cette question des nouvelles croissances et montrent que les 2030 glorieuses sont en réalité déjà tout autour de nous, qu'elles ne sont pas à inventer mais bien à faire changer d'échelle. J'ai hâte d'avoir encore plus cette année vos retours, vos questionnements, vos suggestions d'invités pour que ce podcast soit vraiment un espace d'échange et que vous vous sentiez libre de partager vos réflexions, vos doutes, vos envies qui enrichiront à mon tour les miennes de réflexion et me permettront de coller au plus près de vos préoccupations. Je vous remercie d'avance pour vos écoutes et vos commentaires à venir et je vous dis à très vite pour le premier épisode de cette nouvelle saison des 2030 Glorieuses. Salut! Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 Glorieuses. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuses.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuses qui existent depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 Glorieuses.